Et comment, donc, comment interagissent ces quatre types d'acteurs autour de deux lignes problématiques. La première, c'est la transformation culturelle de l'objet livre, dans ce passage du papier au texte numérique. Qu'est-ce que ça change sur le plan culturel en termes de médiation, en termes de relations entre ces acteurs? Bon, l'éditeur, que devient-il lorsque on peut pratiquement produire un livre à soi tout seul? Deuxième question, et qui vient de ce changement culturel, et qui va accompagner aussi ce changement culturel, et qui va aussi probablement profondément le configurer, il y a des très gros enjeux politiques et économiques liés à ce changement hein, de la chaîne du livre. On a un petit peu parlé ces derniers temps, mais pas beaucoup, peut-être pas autant qu'on aurait dû, des risques que la montée en puissance de certains acteurs, que ce soit Google ou Apple, font courir, ou Amazon, font courir à la libre diffusion de certains textes pour des contenus qui pourraient être jugés offensants, etc. Et où on a des stratégies de la part d'acteurs comme Apple, des stratégies de censure, très peu relayé dans les médias, hein, vous le rappeliez il n'y a pas très longtemps. Donc il y a des questions politiques qui sont très importantes, et puis à travers la montée de ces très grandes entreprises, hein, aujourd'hui Google c'est peut-être la première entreprise mondiale, enfin une des premières entreprises mondiales, il se pose là en plein milieu du paysage littéraire, avec donc des questions assez importantes. Donc c'est sur ces deux thèmes que je vous propose d'orienter la discussion, donc tout d'abord en passant la parole à Eric Fitoussi avec son expérience de libraire, puis ensuite nous donnerons la parole à Pierre Mounier à la fois en tant qu'éditeur, critique et aussi lecteur. Voilà. Merci de m'avoir invité. Je voudrais juste excuser une absence parce que normalement nous devions venir à deux avec ma compagne Françoise qui est la co-directrice de la librairie Passage et qui est absente aujourd'hui parce que par ailleurs elle fait partie du groupe de libraires qui sont en train de mettre en place ce qu'on va appeler le portail de la librairie indépendante. Donc vous voyez que ce sont des sujets qu'on connaît un peu. Elle connaît beaucoup mieux ça que moi, mais je vais essayer d'être un peu son porte-parole. Alors cela dit, ce que je vais dire m'engagera personnellement directement, mais pas la structure en tant que telle, la structure du portail de la librairie indépendante. Je suis moins précis qu'elle sur ces choses-là, mais enfin quand même. Moi, je me place donc du point de vue du libraire professionnel, traditionnel, si vous voulez, bien que ce mot de libraire traditionnel, en fait, recouvre une réalité qui, de nos jours, est totalement différente de celle qui existait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, un libraire, c'était un certain type de commerce. Maintenant, c'en est un autre, et c'est un commerce très différent. Nous avons utilisé les outils informatiques depuis longtemps, des bases de données, on travaille avec des sites internet, on connaît bien tout cet environnement, on est obligé de l'utiliser dans l'économie actuelle, c'est une obligation. Sinon, on ne peut plus fonctionner. Pour les plus anciens, s'ils se souviennent de leur libraire qui avait des petites fiches vertes, ça n'existe vraiment plus beaucoup. Ceux qui sont malheureusement obligés de continuer avec ce système là, sont appelés malheureusement à disparaître. C'est une réalité économique qui, voilà, qui fait que ces personnes n'existeront plus s'il y en a encore quelques-uns. Alors cela dit, une librairie, ça n'existera peut-être plus dans 10 ans, ça, j'en sais rien du tout. Je rappellerai simplement que le livre est un objet assez récent. Le roman et la littérature, qui sont des domaines que je connais bien, est encore plus récent, ça a quoi, 2 siècles maximum, et que donc le texte existera toujours, quel que soit son support. Ça, le support pourra évoluer. Cela dit, je pense que le support papier est un support absolument irremplaçable. Il s'accompagnera d'autres types de supports, de formes. La notion de texte elle-même va évoluer, justement, bien sûr. Il va y avoir des nouvelles tentatives, des nouvelles formes d'art, tout simplement, liées à ces nouvelles technologies. Cela dit, je vais essayer de vous faire comprendre qu'on n'est absolument pas réactionnaire, comme souvent les acteurs de la technologie tentent de faire passer les libraires, eh bien, il y a quand même des choses à faire comprendre. C'est que c'est une économie, nous sommes des commerces dans une économie. Le problème n'est pas tant la production, dont vous avez déjà parlé, parce que la production, ça coûte plus beaucoup, ça coûte pas très cher. Le problème, c'est la diffusion. Donc différents outils existent, et je crois que le problème, c'est les intercesseurs, les intermédiaires, puisque, comme vous le dites dans votre livre, les produits culturels sont des biens d'expérience dont la valeur ne peut être déterminée a priori, mais se révèle dans l'expérience de leur consommation. Et si on prend les deux points fondamentaux, une théorie développée dans le livre qui s'appelle « La longue traîne » que les aficionados comme moi ont lu en anglais il y a quelques années, les deux points importants, alors c'est que tout doit être disponible, ça c'est une nouveauté parce qu'en Italie c'est impossible de le proposer, puisqu'à l'heure actuelle il y a à peu près, je pense, sans trop me tromper, 700 000 titres disponibles, ici s'il y en a 4-5 000 dans la librairie c'est le maximum, donc vous voyez que pour proposer tous les livres disponibles, il faudrait quelques immeubles, donc c'est strictement impossible. Et la seconde règle de la long tail, c'est aidez-moi à le trouver. Donc, vous voyez, tout doit être disponible et je dois être aidé à le trouver. Je dois être aidé pour trouver ce que je cherche. Et ça, c'est un problème fondamental qui existait déjà il y a 20 ans et qui existera sans doute dans 20 ans. Il y aura des réponses différentes. Je crois que les libraires sont des intercesseurs, des intermédiaires, des passeurs, enfin, on peut employer différents synonymes ou différentes acceptions du mot. Ça, c'est une réalité que je vis tous les jours dans la librairie, ainsi que l'équipe qui travaille avec nous. Et le problème, donc, ne sera pas d'essence différente. Il sera de structure technologique, voilà, différente. Mais l'essence même, c'est la même. À mon avis, c'est juste le problème de l'intermédiaire. Parce que je crois que c'est un faux problème, l'apparente disponibilité de tout sur cet outil magnifique qu'est Internet. Si on pense à la théorie de la communication, plus il y a d'informations, plus il y a de bruit, et plus c'est difficile de s'y retrouver. Ça, c'est dans la théorie de l'information, qui est de la communication, qui date des années 60. Ben voilà, on est en plein dedans. Donc il y aura toujours besoin d'intercesseurs, d'intermédiaires. Comment faire ? Et des nouveaux outils se développent, des nouveaux projets se mettent en place. On a ici Isabelle Aveline qui avait créé il y a quelques années, qui est une pionnière dans le domaine ZaziWeb, qui était un site effectivement qui proposait de découvrir en particulier des petits éditeurs, des auteurs peu connus, et ça c'est tout à son honneur, et c'était vraiment quelque chose de magnifique, qui malheureusement n'existe plus actuellement. Que dire de plus ? C'est suspendu. Suspendu, voilà, d'accord. C'était pas une librairie. Non, c'était pas une librairie. Mais c'était un espace de médiation. Exactement. Et la question se pose de savoir si ça aurait pu devenir une librairie. Absolument. Ouais. Mm-hmm. Alors ça, c'est là où on n'est pas d'accord, je sais, ça serait intéressant d'en discuter, oui, absolument. Parce que moi, pour moi, une librairie s'inscrit dans une économie, dans la chaîne dont vous parliez. On a toujours besoin d'éditeurs pour publier des livres. Je prétends et j'assume le fait que publier, c'est très facile. S'auto-publier sur le net, c'est hyper facile. Mais c'est pas le problème. Voilà, je sais pas, on peut commencer la discussion. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de se faire connaître éventuellement. Je parle même pas de gagner de l'argent. C'est pas ça encore. C'est juste se faire connaître dans tout cet environnement, ce bruit constant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, si vous voulez, moi, ce que je peux faire, c'est... Je vais répondre aux différentes questions que vous avez posées, mais je voudrais juste revenir un peu en arrière avant, parce que je voudrais juste préciser un certain nombre de choses qui, par rapport à bon, un certain nombre de thèmes qui ont été abordés là jusqu'à présent. Premièrement, sur cette histoire un peu de pourquoi est-ce qu'on a essayé de faire une tripartition, numérisation, édition numérique, édition en réseau, donc, qui sont les trois parties pour nous d'un chapeau global qu'on appelle édition électronique. Pour nous, c'est tout ça, l'édition électronique. C'est parce qu'on a eu le sentiment, on avait le sentiment, Marin Dacossé et moi-même, qu'il y avait une espèce de confusion du débat qui s'installait, avec d'une part, effectivement, une instabilité du vocabulaire qui était généralisée. Moi, j'ai lu des gens parler de numérisation et désigner par le mot numérisation des réalités très très différentes, c'est-à-dire ou bien de la, effectivement, ce que tu disais en première partie, c'est-à-dire le passage du papier au numérique, ce que nous appelons numérisation, mais d'autres gens parlent de numérisation quand ils parlent de ce que nous appelons édition numérique, c'est-à-dire la fabrication et la distribution de livres nativement numériques.

une magnifique présentation du futur portail des libraires. Ah, parce que super. C'est exactement ce qui va être mis en place. Je signale par ailleurs que ça existe déjà. Il y a déjà un acteur qui s'appelle Ipagine, ouais. qui propose exactement le mode de fonctionnement que vous dites, c'est-à-dire, je souhaite acheter un livre numérique, je me rends sur le site d'Ipagine, et puis tiens, il y a une librairie que j'aime bien, que je connais, top, je peux la prendre, je peux l'acheter chez eux. Mais ça se passe en direct à partir de mon ordinateur. Hein. On ne va pas se rendre là-bas pour le prendre, vous voyez. Non, mais c'est le cliché d'Interforum. Non, c'est pas ça, justement. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller sur le site d'Ipagine. Ce qui m'intéresse, oui. c'est de me rendre vous sur le site. Aller sur le site d'Amazon. Vous faites une démarche d'aller sur un site. Je peux préciser. Oui, allez-y. Je veux aller sur un site qui traite du domaine qui m'intéresse et qui me donne de l'information sur le domaine qui m'intéresse. Et à l'intérieur de ce... Parce que c'est ça qui va m'attirer. C'est ça qui va faire que je vais revenir. Et qui me ferait des prescriptions aussi sur ce que je peux acheter dans ce domaine qui m'intéresse. Et à partir de là, une fois que ça c'est fait, alors je vais acheter le livre et ensuite je peux être rebalancé sur les pages. Ça je comprends. On parlait tout à l'heure de Cairn.info, ça je l'utilise aussi. C'est vraiment... un outil, une grosse base de données sur tout un tas de revues est très intéressant. Vous voulez dire ce type de structure Non, moi je ne sais pas si ça existe en fait, je ne sais pas. Ah ben non, à ce moment-là, mais le problème c'est que vous n'avez pas trouvé un site, parce que ça passe forcément par un site, hein, qui présente ce que vous voudrez, vous, et que madame trouvera autre chose. Madame, on a affaire à la diversité. Et à ce moment-là, si vous voulez, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, dans le domaine de la psychanalyse que je connais assez bien, je sais qu'il y a un ensemble de sites dont j'ai besoin pour avoir de l'information. Hein. Des sites d'éditeurs, des sites de compilation d'articles, enfin bon, bref, mais un ensemble de sites, quoi, pas un. Je n'en connais pas. Il y a une ou deux librairies très spécialisées à Paris qui sont très bonnes dans ce domaine, je sais, j'ai confiance, c'est une... Alors, vous avez dit, le libraire, c'est un médiateur. Vous savez quelle est la fonction du médiateur? C'est de rassembler l'information pour la livrer et faciliter la tâche de la personne qui C'est ce que chaque libraire fait dans sa librairie, qui est un petit commerce individuel, dans un modèle économique particulier, avec des murs et une boutique. Bon, ce qui n'est pas le web, bien sûr. Mais c'est ce que, petit à petit, se met en place. Certains gros libraires l'ont fait, parce que ça coûte un fric fou de faire ça. Ça coûte extrêmement cher. Et 99,99% des libraires n'ont pas les moyens. Ouais. C'est une réalité, alors là, toute bête. Hein. Le libraire en France qui actuellement est vraiment le plus en pointe, c'est la librairie Dialogue, qui est à Brest, qui est une très grosse librairie, et qui maintenant propose vraiment un ensemble de techniques pour pouvoir acquérir le livre et de contenu. Parce que c'est ça le problème, moi je le définis comme ça, ce dont vous parliez. C'est le problème du contenu. Et ça, c'est, je pense, en relation directe avec cette forme de bruit dont je parlais, et comment faire effectivement un entonnoir, enfin un choix. Sauf que le choix, il est forcément individuel, et une librairie aura un choix, un acteur, quel qu'il soit, un journaliste, un professeur, n'importe quel acteur, quel intermédiaire, quel intercesseur entre une production, la proposition d'un texte et le récepteur, le lecteur, c'est un choix particulier, individuel. Donc, à mon sens, il est impossible de trouver un site qui corresponde à une demande de plusieurs personnes, quoi. Ça peut arriver. Il y en a ça partout, mais c'est pas des libraires, c'est ça le problème. Bah, c'est très bien. Il faut faire des recherches partout, je veux dire, pour trouver l'information. Ça s'appelle le web, hein. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ça me pose pas de problème. Je l'utilise tous les jours, alors. Je vois pas le problème. Finalement, si vous déléguez au web cette fonction de conseil, quel est l'avenir économique pour des lieux comme celui-là? L'avenir économique d'un lieu comme celui-là, c'est ce qu'il en fera lui. Moi, pour notre librairie, c'est ce que nous en ferons nous. C'est tout. C'est pas compliqué. Non, mais attendez, alors là, vraiment, ça, pour moi, c'est... C'est intéressant, cette question de la médiation, quand j'interviens, parce que je suis entièrement d'accord avec Eric. Mais je pense qu'on n'est pas tant... C'est super important, mais le problème des libraires, c'est qu'ils sont absents non pas de la médiation dans l'espace... dans l'espace de la médiation numérique, ils sont absents, je dirais, dans l'espace de la médiation sur le web tout court. C'est-à-dire que cet espace de la médiation, il s'est déjà aussi structuré par des acteurs qui sont... sont effectivement des acteurs des réseaux sociaux, des acteurs maintenant des hubs, des plateformes qui détiennent maintenant les réseaux, que ce soit Apple, Google, ben voilà, Orange, c'est des acteurs comme ça qui investissent aujourd'hui ces espaces de la médiation. Et le problème de la librairie, c'est qu'elle a pris un tel retard dans effectivement, un petit peu la même chose que les bibliothèques d'ailleurs, dans ce qu'elle aurait dû investir depuis 10 ans, c'est que maintenant la question, c'est pas la question de la numérisation. C'est intéressant la manière dont tout d'un coup il y a une espèce d'alerte comme ça, comme si parce qu'on passe du livre papier au livre numérique, il y a un stress, parce que justement il y a un poids économique tout d'un coup. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que cette médiation, elle n'est déjà pas construite dans l'espace du livre papier. Donc, a fortiori, je dirais, dans l'espace du livre numérique, ça va complètement échapper au libraire. Alors ensuite, comment réinvestir ça? Ben, je dirais que oui, le problème, c'est le web, c'est comment les libraires vont réinvestir le web, parce que la force de la recommandation, elle est déjà complètement implémentée dans le web, il suffit de poser des tags, poser des systèmes de recommandation, enfin... Alors moi, je suis assez... Personnellement, justement, on jure beaucoup par... C'est vraiment la question de fond, c'est une question qui dépasse en fait les enjeux professionnels, c'est une question culturelle et politique à la fois. C'est la question de la structuration de l'espace de débat, de l'espace public et de l'espace des centres d'intérêt de l'ensemble d'une population en fait. Donc le modèle que nous propose Google par exemple et que nous propose un certain nombre d'acteurs du traitement automatique de l'information, c'est la reconstitution en fait de centres d'intérêt qui sont égocentrés. Et là, c'est ce que vous dites, ben, un prof, un journaliste, etc., ils n'ont forcément pas les mêmes centres d'intérêt, c'est des individus. Et donc, on a une espèce d'éparpillement complètement individualiste de gens qui vont s'intéresser à des choses complètement différentes et ne jamais pouvoir s'agréger. Et ça, c'est, en fait, on peut dire, la première étape de la destruction de l'espace public unifié tel qu'on le connaissait, qui était unifié par des médias généralistes, par exemple, qui rassemblaient tout le monde autour du 20h, etc. Donc là, on a une première étape, tout ça a sauté. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des individus qui s'agrègent à la fois librement et en étant aidés par des algorithmes de rapprochement des intérêts, en fait, qui sont fournis par les opérateurs de traitement automatique de l'information, comme Google, les réseaux sociaux, typiquement, sur la base de tags, etc. Amazon a un très bon système de recommandation. Et voilà, Amazon, exactement, ce que fait Amazon. Alors, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un très bon système de recommandation. C'est un système de recommandation qui fonctionne très bien dans cette perspective-là, qui, moi, me pose problème, en fait, me pose véritablement problème. Et moi, ce que j'essaye de dire, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer de proposer des espaces de structuration intermédiaire avec des communautés qui s'agrègent autour de centres d'intérêt de moyen niveau, on va dire. Donc, ça va être effectivement, je ne sais pas après... Ça peut être les gens qui s'intéressent à la psychanalyse, ça peut être les passionnés de sport en général, mettons, ou d'un sport ou des choses comme ça. Et où là, il y a besoin d'opérateurs, de médiateurs qui vont aider les gens à se structurer autour de ce centre d'intérêt, leur fournir de l'information, structurer l'information. Et là, ce n'est pas des algorithmes qui peuvent faire ça, c'est des humains qui peuvent faire ça, c'est des médiateurs humains. Et je crois, je ne sais pas si... Voilà, et ça peut être un libraire qui fait ça. Ben, c'est ce que, si je pense toujours à ce futur portail de la librairie, c'est ce que nous allons mettre en place, en fait, pour... Alors, ce qu'on définit par contenu, hein, vraiment, vraiment réellement ça. Il va y avoir, je pense, une quinzaine de libraires, chacun qui... spécialisé dans un domaine plus ou moins, qui sera chargé de faire remonter l'information dont on peut disposer, de la part des éditeurs, de nos lectures de journaux, d'écoute de radio, c'est les mêmes moyens avec tout le monde. Et donc, en fonction de nos centres d'intérêt, chacun de ces responsables de rayons d'une autre forme, absolument pas réelle pour le coup, enfin concrète et physique, voilà, on sera chargé chacun de proposer. Sur le site qu'on appelle générique, c'est-à-dire le site, le portail lui-même, et puis chacun des libraires pourra reprendre ce qu'il souhaite, puisqu'il aura voilà, un avis d'expert, si on peut dire, en tout cas c'est quelqu'un ça. Qui connaît un petit peu plus un domaine. Voilà. Mais ça, c'est complètement humain, et donc ça sera soumis à l'humanité, aux erreurs. Enfin, voilà. Et c'est toujours une question de choix dont je parle, hein, et auquel on est confronté tous les jours. C'est tout bête, hein. Quand on vend un livre, on ne le reprend pas. Voilà. Ce sera une autre forme, là c'est purement économiste ce que je viens de dire, mais ce sera le même problème, un choix. Est-ce qu'on parle de tel livre plutôt de tel autre, enfin, voilà, c'est... Alors, ben, peut-être que justement, on a commencé à avoir une interaction avec, avec les personnes qui sont venues. Donc je pense qu'il y a peut-être des souhaits d'interagir, des questions à poser, des rebonds déjà sur ces premiers éléments. Et puis bon, ça, on essaiera de jouer au ping-pong, que vous répondiez au fur et à mesure aussi aux questions. Oui. Il me semble que la question de la médiation, on est tous d'accord, elle sera toujours nécessaire. Et plus il y aura de production, plus il y aura de bruit, plus on aura besoin de médiation. Sauf que la question du libraire actuellement, il me semble, c'est comment rendre cette médiation rentable? Comment elle va nourrir des individus qui, pour l'instant, sont organisés sur des petits périmètres et assez peu coordonnés? On peut faire peut-être le parallèle avec ce qui se passe dans la distribution et la production des légumes. Mais le problème aussi, on a le même problème, on a le producteur de légumes qui n'arrive même pas à vendre ses fraises ou ses pommes de terre au prix coûtant, des réseaux de distribution qui sont plus rentables non plus, et des grosses entreprises de distribution qui s'approprient la production et qui financent comme ça leur service. Amazon, le système de taxes d'Amazon, il n'est peut-être pas qualitativement bien, mais il est rentable. Il repose sur des algorithmes. Il coûte peu cher par rapport à ce qu'il rapporte, et il est dans un rapport d'efficacité là. Et là, ce qu'on voit dans le discours, c'est que est-ce qu'on n'est pas dans un système un peu darwinien où on a la production qui est la distribution qui est organisée avec des petites structures et des gens qui sont plus inutiles, ou si leur médiation elle est utile, elle est intéressante. Sauf que les gens sont-ils prêts à payer pour ça? On voit bien que sur le web, la médiation en réseau, elle est dans le rapport du donnant-donnant et elle est gratuite. On est aussi habitué à ça. Oui, alors si vous voulez lire un livre, pour l'instant, vous êtes obligé de l'acheter encore. Et on peut le pirater, ça n'y a pas de problème, c'est pas assez facile à faire. Et vous avez un avantage dans le même livre, c'est que le prix est le même partout. Bon. Et le prix est le même partout en France. Pas sur le livre numérique, justement. Alors attendez, ça c'est pas dit, parce que ça c'est des discussions qui sont en cours en ce moment. Je peux vous dire en tout cas, je fais un tout petit écart et je reviens vraiment à ça, pour dire que la librairie, ou les libraires plutôt, sont des individualistes forcenés. Je peux vous le dire, ça vraiment, on est tous très très forcenés, c'est une question, j'arrête là-dessus, mais c'est des grands individualistes. Les éditeurs connaissent ça, savent ça, en jouent très très bien. On est dans un rapport commercial avec les éditeurs, ils connaissent pas mal les libraires, même s'ils n'y ont pas souvent malheureusement, et ils jouent de ça. Il y a une histoire de la librairie de l'édition en France qui fait que les éditeurs ont tendance à prendre les libraires pour des prestataires de services. Ça commence à changer parce que les médias ont les lecteurs sont des gens intelligents, c'est-à-dire des gens qui ont un sens critique développé, vraiment, réellement. Et ils font plus confiance aux médias, de manière générale. Et maintenant, c'est les libraires qui ont pris un petit peu une place comme ça de prescripteurs, et les éditeurs s'en rendent bien compte. Donc ils font très attention les mains, ils nous flattent dans le sens du poil certains jours, et ils nous tapent dessus d'autres jours, c'est la carotte et le bâton, quoi. Excusez-moi, je perds mon fil parce que je partais dans une autre discussion. Donc j'arrête là, c'est très bon. Il y a la question du prix. Vous disiez un des trucs qui permet à la librairie aujourd'hui indépendante de continuer à avoir des arguments, c'est le prix unique. Exactement, c'est le prix unique qui fait que si vous voulez acheter le livre que vous voulez lire, vous le trouverez au même prix partout. Après, on peut dire, d'accord, il y a des livres d'occasion, mais enfin, quand même, globalement, le prix est le même partout. Même sur Amazon, c'est le même prix. Donc ça, c'est un facteur qu'on peut mettre de côté. Et alors pour le prix du livre numérique? Alors pour le prix du livre numérique, ouais. Voilà. Ce sont des discussions interprofessionnelles, parce que tout est affaire d'interprofessionnalité. Alors c'est très récent, vraiment, c'est il y a 15 jours, il y a eu un communiqué commun du SLF, du SDLC, qui est une autre structure qui regroupe les gros distributeurs de livres FNAC, les très grands, et le SNE, qui en fait demande l'application d'une TVA à 5,5 et qui a un prix unique sur les livres numériques homothétiques. Homothétiques, ça veut dire pour l'instant des livres au sens traditionnel du terme, devenu fichier numérique. Hein, numérisé, on peut dire. Alors, numérisé ou voilà, PDF, quoi. Oui, oui. Parce oui. qu'après, il peut y avoir des tas d'exceptions qui existent déjà, d'ailleurs, même dans les livres papier, hein, les livres affreux, qui sont publiés tous les ans. Enfin, moi, il y a beaucoup d'exceptions, vous savez. Les métiers du livre, c'est des métiers où il y a des règles, et il n'y a que des exceptions aux règles. C'est un peu difficile d'en parler très précisément. Ça, c'est une vérité, ce que je dis vraiment, parce qu'on y est confronté tous les jours. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup d'acteurs, vraiment, de la chaîne du livre, sont conscients de tous ces problèmes. Les éditeurs, à mon sens, se sont réveillés beaucoup plus tard que les libraires. Mais, donc ça, on pourrait en discuter, hein, vraiment. Voilà, tout est en train de se mettre en place, là. Le problème, c'est que tout le monde est fasciné par ça. Fasciné, c'est une fascination, c'est un fétiche absolu. Et effectivement, comme vous disiez tout à fait justement, personne ne sait exactement ce qui va se mettre en place. C'est quelque chose qui se construit dans le désordre. Bon, voilà, avec les... hein? Mais c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant. Justement, mais vraiment, parce que disait Pierre, on est vraiment dans la construction. Absolument, ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment s'emparer de ça. C'est ça. C'est-à-dire que là... pour reprendre l'idée qu'énonçait Pierre à la ligne. Enfin, moi, si je vois comment je pratique l'achat en ligne, j'utilise Amazon pour les bouquins que je vais acheter d'occasion, voilà, parce que c'est rapide, je suis sûre de le trouver, donc je n'ai pas à faire différentes librairies. Si, au gré de mes recherches, je tombe sur un livre neuf qui vient d'être publié, éventuellement, là, je l'achèterai parce que bon, c'est l'occasion qui fait de la ronde, c'est un petit peu ça, autrement, je continue à aller dans une librairie. Mais en effet... si dans les thématiques moi, qui m'intéressent, j'avais sur Amazon un vrai travail de médiation et avec une vraie sélection, avec des vrais commentaires, avec des choses vraiment intéressantes, je pense qu'en effet, je basculerais complètement. Donc, c'est peut-être aussi un marché à prendre pour les libraires. Enfin, pour moi, ça me paraît mais évident parce que le numérique, je suis bien d'accord, le numérique, ça fait 20 ans que ça a démarré et on se rend bien compte qu'en fait, il y a déjà plein d'acteurs qui ont pris une place. Donc c'est vraiment vital, moi je pense que c'est vital pour que des commerces aussi importants dans la vie sociale pour moi qu'une librairie puissent continuer à vivre, mais sous un autre modèle. Ça fait honnêtement, ça doit faire 4-5 ans que les libraires sont conscients de ça. Hein. Et comme je disais que c'est des individualistes forcenés, ça ne fait qu'un an que le projet est vraiment en construction. C'est très complexe, hein, vraiment, à mettre en œuvre, parce que c'est beaucoup d'argent et pas les moyens. Vous voyez, c'est un problème. Hein. C'est vraiment... Mais d'accord, mais pour moi, juste la question, serait est-ce que c'est possible de trouver une façon de faire où on reste quand même sur cet individualisme? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire que des groupes? Ben, écoutez, je vais vous dire, si on le fait, oui, ça sera que ça. Ça ne pourra pas être autrement, parce qu'on ne va pas se changer. On ne va pas devenir des employés d'IBM, vous voyez, c'est pas possible, quoi. Donc, mais des modes d'organisation... Ah ben, c'est ce que nous sommes... je peux vous dire que c'est ce qui est en train d'être construit, vraiment. Et c'est tout le problème, parce qu'il faut inventer en permanence, tous les jours, parce qu'il y a toujours des problèmes différents qui se créent. C'est très intéressant. Et bon, complexe à mettre en œuvre, quoi. Mais c'est normal, ça. Mais il me semble qu'il faut reconnaître que cette nature individualiste représente quand même un obstacle qui rend les choses... Ah ben ça, oui, je sais, c'est un obstacle, je vous dis, ça fait 50 discussions qui ont abouti à un an, oui, c'est un sacré obstacle. Alors, en fait, une des questions, c'est est-ce que la solution d'une sorte d'une grande union des libraires est réaliste. Moi, j'ai entendu parler d'une autre expérience qui était assez intéressante, donc à Paris, dans l'Est parisien, là, un certain nombre de 7 ou 8 libraires se sont réunis avec l'idée de construire un portail. Pour l'instant, je ne suis pas allé voir, mais il se trouve que je fréquente un peu une de ces librairies. Et parmi les services qu'ils mettent en avant, parce qu'encore une fois, je crois qu'il faut revenir à la notion de service, ils mettent en place un système de livraison extrêmement rapide, donc qui par rapport à un des services phares d'Amazon ou de la Fnac est très avantageux, et avec ils ont monté une estafette qui en gros va distribuer les livres. À vélo, cher monsieur, à vélo même. À vélo même, voilà. En plus c'est écologique. Ouais. À Belleville, il faut le faire. Ouais, donc, c'est pas facile. Non, mais donc, là on a un exemple de regroupement de moyen niveau. De moyen niveau, avec la localité, parce que les libraires, un de leurs... leur point fort, c'est d'être ancré dans un endroit, dans un quartier. Il y a cette dimension de proximité qui est forte, quoi, et qui risque d'être dissoute si on va sur un portail national. Quoi. Non, vous en faites pas. Il y aura deux aspects, hein, en fait, à ce portail. Il y a un aspect national, le conglomérat, le portail, enfin au sens traditionnel du web du mot portail, et chacune des librairies aura un site individuel, aura des informations particulières, vous pourrez échanger, enfin, comme par mail si vous voulez, ou passer un coup de fil, enfin je ne sais pas. Il y a les deux aspects qui sont prévus, aussi bien pour le service proposé, la géolocalisation, c'est-à-dire si vous souhaitez un livre et si vous êtes à côté d'une librairie X qui est en stock, évidemment on verra, vous pouvez aller chercher là, dans 1 ou 2 heures si vous voulez, enfin vraiment, c'est l'idée. L'autre idée après c'est qu'on peut après l'envoyer quoi, à la personne qui souhaite l'avoir, dans les mêmes délais qu'Amazon. Évidemment. Mais là on est encore sur la commercialisation du papier en fait, hein, du coup par le, avec mais une couche non, de surcouche aura qui aussi, sera ajoutée. Il y aura aussi la proposition de livres numériques de la même façon. Alors plutôt genre à la pagine, hein, plutôt comme je disais, mais en fait qui est très proche de ce que vous disiez, hein, du canadien, c'est la même chose. Hein. Oui, mais c'est un système qui pose problème. Enfin, oui, c'est ça. Ouais, d'accord, mais alors... Ouais, alors et alors du coup, parlons plus modèle économique éventuellement, parce qu'effectivement, donc ce que vous semblez défendre, c'est bien le prix de vente du livre homothétique numérique au même prix que le livre papier. Ah non, pas au même prix, à un prix fixe. Ah, un prix fixe qui n'est pas le même, d'accord. Un prix fixe. Ah ben non, c'est pas le même. Parce que là... Et ça, ça dépend des éditeurs. Les libraires ne fixent pas les prix. Oui, bien sûr. Donc là, je suis désolé, mais... les décisions des éditeurs qui sont pour l'instant de vendre les livres numériques à un prix très peu inférieur aux livres papier, me semble-t-il, font peser une menace considérable sur les capacités de toute la filière, c'est-à-dire à la fois éditeurs, libraires, puisque les libraires sont dans le bateau, si vous voulez, dans la galère presque, à pouvoir évoluer à nouveau dans cet environnement et se reconvertir. Parce que là, il y a des expériences qui ont été faites. Moi, je suis un peu étonné quand même qu'on reparte dans les mêmes erreurs qu'il y a eu il y a 10 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 10 ans, le livre numérique, on en parlait déjà, il y avait déjà les premières tablettes de lecture, les Cital, enfin Cibook première génération, les IREX et les machins. Et ça a fait un flop, mais alors monumental. Hein. Moi, je me souviens très bien, j'étais au Salon du Livre à l'époque, il y a eu une espèce de débauche un peu bling-bling de publicité autour de ces nouveaux supports de lecture, etc. Et quelques mois après, on n'en parlait plus parce qu'il ne s'était rien passé avec des livres qui sont des à un exemplaire, etc. Et un des éléments d'expérience qu'on a eu sur cette expérience d'il y a 10 ans, c'est que ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Première raison, sans doute, la question de maturation technologique des supports. Mais c'est certainement pas la seule. La deuxième raison, c'est que les bouquins étaient complètement DRMisés, enfin, protégés par des DRM, et donc impossibles à utiliser, impossibles à transférer, à copier, à passer, etc. Et la troisième raison, c'est que les livres étaient trop chers. C'est-à-dire que vous deviez acheter le support très cher, plus le livre aussi cher que le livre papier pour ne pas avoir le livre papier. Et aujourd'hui, on repart dans les mêmes erreurs. Et là, je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas. Et du coup, c'est effectivement une menace qui pèse sur tout. Et sinon, il y a quelqu'un... Oui. Ça va peut-être être embrouillé parce que ce n'est pas très clair. Mais moi, il y avait deux choses. C'est que il y avait d'abord une impression, et puis après, j'avais une remarque, mais plus sur l'angle de la problématique de l'auteur. Oui. Par rapport à la diffusion, édition, rapport au libraire, etc. La première impression, par contre, c'est c'est tout se passe comme si on essayait de partir du modèle classique et de trouver des interfaces pour que ça colle, pour qu'on puisse brancher correctement les tuyaux par rapport à la grande machinerie web, le rouleau compresseur qui arrive, etc. Mais sans changer fondamentalement, sans changer structurellement les choses. Mmh. Et moi, je suis convaincu, hein, sur le fond, que le modèle structurel du libraire, du diffuseur, de l'éditeur, tels qu'on les a connus depuis un certain temps, soit on change complètement sa façon de penser de ces modèles-là, soit on va dans le mur. La deuxième remarque, et c'est aussi une question, c'est par rapport à l'auteur, à la problématique de l'auteur. Alors, dans le modèle classique, j'allais dire, le modèle traditionnel, soit on était repéré par un grand éditeur qui donne la caution, c'est un bon texte, vous devez le lire, il le diffuse, il en fait la pub, etc. Soit on n'est pas très connu, on passait par l'édition à compte d'auteur, on paye, c'est l'arnaque de l'édition universelle, etc., toutes ces boîtes-là. Soit on faisait de l'auto-édition, papier, et puis on vendait à son entourage. Bon, là, la problématique, le processus il change un peu, parce que vous avez aussi l'arrivée sur le marché, pas très nombreux en fait finalement, de boîtes comme, je pensais à Lulu.com, à The Book Edition, trucs comme ça, où alors là, effectivement, vous avez tout n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas la sélection de l'éditeur, c'est très facile d'éditer, et après le problème, alors il y a une remarque au passage, c'est que c'est un système, c'est des systèmes, après au niveau du support, c'est pour ça qu'il ne faut pas peut-être s'arrêter au support, c'est mixte. C'est-à-dire soit vous téléchargez le fichier, et après vous avez voilà, le support que, technologique que vous voulez, hein. Soit vous c'est en flux tendu, en production chaîne graphique, et donc vous commandez exemplaires, un exemplaire, deux exemplaires, cinq exemplaires du bouquin. Et l'auteur, lui, il achète au prix de production, plus la marge de la boîte d'édition. Quoi. Alors, il y a ça. Alors évidemment, après, la problématique de l'auteur, on pouvait, dans le système traditionnel, j'allais dire, rester des années et des années, voilà, dans un rayon à pas être connu, etc. Bon, là, c'est toujours un peu la même chose, parce qu'on est noyé dans un flot aussi d'auto-édition. Et ce que recherche, à mon avis, un certain nombre d'auteurs quand même aujourd'hui, c'est justement passer par des espaces de médiation sur le web, spécialisé. Moi, par exemple, j'ai écrit un bouquin sur le genre et la domination masculine, bon, avec des groupes de recherche, le Ring à Paris, c'est un truc interuniversitaire de recherche sur le genre, etc. Et là, vous discutez, vous avez des débats, vous êtes sur le réseau social. Mais c'est vrai que, en tant qu'auteur, par rapport à la posture, à la position stratégique, j'allais dire, du libraire, moi, j'ai pas de rapport avec... voilà, il n'y a plus de rapport du tout avec la librairie. Et ça, c'est très inquiétant. C'est qui votre éditeur? Ben, moi, j'ai fait un truc sur le Book Edition, et puis je prépare un autre, parce que je travaille aussi sur les risques psychosociaux, et donc je prépare un autre truc pour septembre. Ouais, je fais tout, en fait, par des réseaux sociaux, etc., etc. Ouais, mais en même temps, j'allais dire, ça génère un gros malaise, parce que pour finir, je pense que rien ne peut remplacer le facteur humain. Rien ne peut remplacer un débat dans une librairie avec des gens qui partagent. Donc je pense que le rôle du libraire et de l'espace de médiation comme ça, il est là aussi. Il doit se brancher avec ceux qui essayent aussi aujourd'hui de faire une auto-édition. Et nous aussi, on est confronté à cette masse. Je peux vous dire honnêtement, sans exagérer, que tous les jours, on reçoit 50 cm de papier et de nouveautés, et les mails, c'est terrible. Donc voilà, c'est moi qui fais ça, qui fais ce travail tous les jours. C'est certainement à cause de cette masse de travail qu'on n'a pas pu être présent sur le web de manière plus tôt, quoi. C'est, voilà, c'est ça. On est aussi confronté à toute cette masse de bouquins qui paraissent tous les jours. Je crois que l'édition qui passe par la librairie, je ne crois pas me tromper en disant qu'il paraît, alors tout type de livres confondus, hein, les livres scolaires, pas tout, 150 livres par jour. Voilà, donc c'est une masse, quoi, réelle, quoi. Donc vous voyez, on est... Là, il y a un rapport de domination entre éditeur et libraire. Exactement, et donc il s'agit de faire un choix. Et les librairies sont des structures économiques très très faibles, quelle que soit leur taille, hein, les indépendants, je veux dire. Pas un groupe derrière financier pour soutenir. Oui. Mais on y arrive. La première source, le lecteur qui vend des livres. Je crois que c'est un questionnaire qui avait sorti une vraie vidéo. C'est pas le libraire, pas l'éditeur, pas le journaliste, c'est le lecteur, c'est le bouche à oreille. Donc voilà, donc en fait moi je pense que l'axe, l'angle d'attaque de qu'est-ce qui fera vendre les livres, bah, c'est les réseaux sociaux. C'est ça. Pas pour rien, j'avais créé la vidéo. Ah oui, c'est étonnant. Mais voilà, enfin, je pense que depuis très longtemps que le meilleur lecteur pour vendre des livres, c'est le... Parce qu'il y a un côté volume. Moi aussi j'ai bossé en deuil. Et je sais qu'en librairie, on est submergé par l'aspect physique, on vend des bouquins toute la journée, des cartons, des machins. On ne peut pas faire autre chose. Donc voilà. Donc à un moment, qui va parler le mieux d'un livre qu'il connaît, ou qui va être le meilleur système de recommandation? Effectivement, je crois que c'est... Pourquoi c'est Amazon? Parce que Amazon a le volume de traitement possible. Amazon a le volume, la volumétrie de lecteurs derrière. Demain, ça va être Google. Voilà. Google pour acheter Facebook. Orange. Apple, ce seront eux structure. Les systèmes de recommandation. Mais pourquoi? Parce que derrière, c'est des humains, justement. Et là, je te rejoins complètement, Eric. C'est qu'il faut un système de médiation humaine. Et le problème, c'est qu'entre ceux qui auront la masse des réseaux sociaux et la masse des algorithmes, Ben, le problème, ça risque d'être des acteurs de l'Internet. Et les ponts libraires là-dedans, ben, ce qui va rester... Ça, je ne m'inquiète pas, parce que... Vraiment, je ne m'inquiète pas, parce que le bouche à oreille, on en fait partie tous les jours. Donc, ça va. Oui, mais sur un tout petit territoire. Sur un petit territoire. Mais justement, c'est les réseaux sociaux qui vont prendre une autre forme. C'est une autre forme de bouche à oreille. Ça sera complémentaire. Je pense que la force, justement, des paysans et tout ça, c'est de la map. C'est justement... Il y a une re-territorialisation que n'ont jamais les gros acteurs industriels. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les libraires, comment ils devraient la jouer sur le portail, c'est pas sur le modèle économique, parce que là, c'est mort par rapport à la zone. Il n'y aura pas les 5%, il n'y aura pas. Donc, c'est pas sur le modèle économique, c'est pas sur la logistique, c'est sur ça aurait été sur l'agrégation des systèmes de recommandation et sur l'ultra-territorialisation. Voilà. Bah, il faut monter des boîtes pour proposer ça aux leaders, messieurs, dames, je n'ai pas de problème, allez-y. L'analyse est très bonne. Le problème, c'est que la marge de manœuvre, elle va être super fine, j'ai un peu peur qu'il y ait un effet de... Bah, que ça ne tienne pas, quoi. Oh, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la dernière remarque que vient de faire Eric, si vous me permettez. C'est que, dans la mesure où toute la chaîne de la diffusion est complètement, comme on l'a vu, informatisée, des boîtes se créent pour créer cette fonction d'intermédiation, elles n'ont aucune raison de venir proposer ce service à une librairie, elles vont vendre elles-mêmes. Ce que dit Isabelle, c'est que ces systèmes d'intermédiation, c'est vous qui devez les monter pour garder votre place. Ce que nous tentons de faire à notre façon, ça sera peut-être issu d'un modèle économique archaïque ou existant, comme on veut, si on est gentil ou pas. Mais en tout cas, on va le faire à notre façon, avec nos moyens. Comme je disais, qui sont assez limités. Mais on le fait. Ça se remplace en octobre. Vous avez déjà l'embryon de ce travail, puisque vous voyez tout ce qui se passe, et vous émettez, c'est une des raisons pour lesquelles on va chez Passage et où on va voir la FNAC, c'est que justement, quand on va chez vous, il y a des petites fiches, il y a des conseils, on ne va pas dans un lieu anonyme. C'est d'accord. Et donc ce travail, vous l'amorcez déjà, en tout cas, vous le faites déjà en partie. Et là, je donne juste un petit exemple, en fait. Mon expérience de lecteur, voilà, aussi encore. Enfin, je prends un autre domaine, bien sûr, qui permet, plus léger, c'est la BD. Moi, je suis un moyen gros lecteur de BD. J'aime bien, j'en lis pas mal, j'en achète pas mal. Donc j'ai une librairie à côté de chez moi, pas loin de chez moi, du côté de la Nation, qui est à côté de la place, qui est spécialisée dans la bande dessinée, et où là, effectivement, j'ai la fonction traditionnelle du libraire spécialisé. Moi, c'est là-dessus que j'insiste beaucoup, parce que le libraire spécialisé, c'est quand même vachement... Là, il m'apporte un service énorme, où effectivement, il me fait des recommandations, donc... je vais dans cette librairie, ou même ma femme va dans cette librairie pour me faire des cadeaux. qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande au libraire, il a lu ça, il a ça, il aime ça, qu'est-ce que je pourrais acheter, etc. Et là, ça marche très bien, et on a des vrais spécialistes dans cette librairie physique, etc. Maintenant, vous savez qu'il y a la BD numérique, ça se développe à toute vitesse. Avec des systèmes de lecture qui sont très performants, etc. Mais il est où mon libraire là-dedans? Il n'est pas là-dedans. C'est ça le problème. Il est absent là. Il est absent. C'est Apple qui me vend de la BD. Et c'est un peu dommage. Là, j'ai un problème, si vous voulez. C'est que du coup, il n'y a pas d'articulation. Donc ce que je vois dans ce que tu disais, dans quelques remarques aussi qui ont été faites, et quelque chose qui peut être intéressant à creuser, c'est l'articulation entre la présence du libraire, mettons spécialisé ou particulier, dans le cyberespace, dans l'espace virtuel, et qui va s'articuler avec un espace physique. Parce que c'est bien aussi d'avoir des espaces physiques avec, où on voit que là, il y a une vie aussi, il y a une animation, donc des librairies qui organisent des réunions, des débats, des présentations d'auteurs, etc., qui vont vendre du livre physique. Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir mon libraire spécialisé articulé sur les deux espaces et présent dans les deux espaces. Et il me semble que là, il y a une piste qui peut être intéressante. Voilà. Oui. L'exemple là que vous preniez de votre BD que vous lisez sur votre portable, c'est une BD que vous connaissiez. Vous n'aviez pas besoin de l'éducation pour venir à lire ce titre-là? Non, même pas. Non, c'est vraiment... à un moment, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais lire comme BD sur mon iPhone? Et là, j'ai un problème, c'est que j'ai des très mauvaises... c'est terrible, et c'est très pauvre, je vais vous dire. Parce que là, je me dis, ce soir, je suis fatigué, j'ai envie de lire une BD sur mon iPhone, là, dans le train. qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Donc je vais dans l'App Store. Hein, pour l'instant, c'est dans l'App Store sur mon iPhone, pour lire des BD. Et là, j'ai quoi? Ben rien, en fait. Hein. J'ai, en recommandation, qu'est-ce que j'ai? Toujours dans l'App Store et les livres numériques. Alors j'ai des catégories aussi, hein, qui sont pas très bonnes. Et donc, qu'est-ce que je fais? Vous savez ce que je fais? Je fais recherche et je fais bande dessinée dans recherche. Et là, j'ai tout un truc qui me sort et j'en prends une, tiens, celle-là, elle m'intéresse, etc. Mm. J'ai pas de recommandation, j'ai zéro recommandation d'un spécialiste dans mon iPhone, en fait. Je réponds à votre question. Je cherche pas une BD particulière, je cherche qu'est-ce que je pourrais bien acheter d'intéressant, alors, comme je vais dans ma librairie physique. Et votre voilà, elle a pas réussi à librairie du coup, par manque d'informations dans la sphère numérique, là, est-ce que la force du libraire, finalement, c'est justement pas de conserver cette information qu'il a et de n'en faire part que dans le lieu physique qu'il occupe? Ah, de forcer, oui, mais il n'aura pas le temps. Il prend le train tout de suite après, il n'aura pas le temps de passer à la librairie où il aura la recommandation. Il y aura des gens plus malins qui finiront par le proposer là-dessus. Il va tomber parce qu'il a des choses un peu plus urgentes, mais la question qu'il faudrait lui poser, c'est combien tu serais prêt à payer pour avoir cette recommandation-là? Eh bien, de toute façon, je dois acheter la BD. Donc après, s'il y a quelqu'un qui me... j'arrive, Isabelle. S'il y a quelqu'un qui me recommande une BD, et je sais qu'il recommande des bonnes BD, etc., je peux l'acheter assez cher, la BD. Hein, parce qu'en plus, je l'achète en un clic. Donc il y a l'effet coup de cœur, il y a l'effet recommandation. Le libraire qui me dit, dans mon iPhone, disons qu'il y a cette super BD, tu as lu ceci et cela en plus, et cette super BD qui peut t'intéresser, je te la vends, mais je te la vends même assez cher. Pourquoi pas? Et je vais l'acheter. Et le libraire peut se faire une marge dessus. Alors nous, il ne peut pas se faire une marge. Attendez, je réponds. Non, parce qu'il y a un prix minimum, d'accord. Non, mais on n'a pas le droit de monnayer nos services. C'est dans la loi. Hein. C'est comme ça. J'ai rencontré un libraire... Pardon? Vous pouvez vendre, vous vendez du coup. Oui, bien sûr, oui, non, mais oui, mais enfin, oui, mais on ne vend pas le conseil. On ne vend pas le conseil, quoi. C'est sûr que si, c'est pour ça qu'on va chez vous. Oui, bien sûr, non, mais dans une forme. Sur Internet, je n'en aurais pas le droit de dire. Votre conseil sera rémunéré par la marche que vous faites sur la BD, c'est votre métier de libraire. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est la même chose. Bon, d'accord, vous n'avez peut-être pas compris ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc, oubliez. Non, parce que j'ai rencontré un libraire. Oui, allez-y. J'ai rencontré un libraire de New York. Indépendant, il y en a encore quelques-uns. Et il me disait que maintenant, lui, il gagnait plus d'argent, en fait, en faisant des recherches pour les gens et en monnayant son temps, avec des logiciels, c'est facile à faire, qu'en vendant des livres, en fait. Mm-hmm. Voilà. Parce que les livres, ils se vendent chez Barnes & Noble, enfin, mm-hmm. des grandes chaînes. Enfin, donc ça, c'est une réalité, si vous voulez, là-bas, quoi. Mm-hmm. Mais pour moi, on en revient à la question tout à l'heure. Si, je m'intéresse à la BD, mais je m'intéresse aussi aux livres de cuisine ou à la sociologie. Et s'il faut que je fasse à chaque fois trois sites différents, complètement éclatés, etc., pour trouver mes bonnes recommandations qui en plus vont évoluer, je vais être découragée. La question, c'est de les avoir regroupées dans un seul... Non, moi je suis pas d'accord là pour le coup. Je pense qu'il peut y avoir trois lieux. Donc tu t'intéresses à la BD, à la science humaine et à la cuisine. Oui. Mais je pense que tu peux avoir trois lieux. Parce que ce sont trois lieux où il y aura une communauté, en fait, où tu n'auras pas que de la vente de livres, en fait. Tu auras de l'information, tu auras des échanges avec des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que toi. Donc tu auras tout un tas de services. Donc l'idée, c'est que, effectivement, tu retourneras sur ton site de cuisine pour faire partie de cette communauté, échanger avec les gens qui s'intéressent aux mêmes choses que toi, et du coup acheter des livres. C'est possible, mais c'est peut-être des choses comme ça qu'il faut analyser, observer et expérimenter. Exactement. En tout cas, dans cet exemple-là, moi, ce qui me pose problème dans ta proposition, c'est la question de l'articulation entre le lieu physique et le cyberespace. Sur le cyberespace, moi, je vois ça très bien marcher. Ouais. Je pense qu'avec le développement probable quand même de textes numériques, etc., sur différents supports et qui ne seront plus uniquement sur papier, ces espaces de recommandation, ces nouveaux espaces de médiation vers le texte sous toutes ses formes vont se développer. Le problème, c'est bien de leur ancrage physique. Mmh. Et de ce point de vue-là, pour moi, la librairie, ses atouts, c'est effectivement la proximité, un petit peu des capacités d'offrir des services comme celui-là, qui est d'offrir, par exemple, des livres d'occasion. Bon, c'est un petit service dégradé, peut-être, mais peut-être que c'est un des atouts à valoriser. Et le problème, c'est que je vois pas bien comment articuler les deux dimensions, la dimension civile et cyberespace et la dimension territoriale. Nous, on a un petit site qui est un site alors uniquement de contenu, on ne peut pas faire de vente parce que ça coûte trop cher. Le site, je l'ai fait moi-même. Bon, voilà, c'est très bricolé, mais enfin, ça marche. Vous pouvez trouver nos coups de cœur, voilà, les livres qu'on a aimés dans différents rayons. Voilà, c'est tout pour l'instant. Effectivement, à partir d'octobre, il y aura un outil un petit peu plus intéressant, plus développé. Oui. Et est-ce que vous ne pensez pas du coup qu'il y a de la place pour justement des gens qui seraient juste des cyberlibraires, c'est-à-dire qui prendraient le système de recommandation non pas à partir du lieu physique, mais à partir de l'espace de vente virtuelle, voilà, qui se positionneraient uniquement sur le net, quitte ensuite à ouvrir un espace physique, comme ça peut se faire sur le modèle du web. Je pense à du biosurf. Ça arrivera peut-être, ça. Et est-ce que, du coup, des acteurs comme Google Edition n'auraient pas tendance à proposer une offre assez intéressante pour verticaliser le système de recommandation à des acteurs qui ne sont spécialistes de leur secteur et pourraient se... Enfin, voilà, moi, je ne veux pas faire le futur, mais... Ils seraient payés à la commission, finalement, pour Google. Que Google Edition va proposer de verticaliser voilà, sur des centres d'activité et que toute personne pourra se positionner... Alors, on dira plus libraire, on dira médiateur... C'est le métier qu'il décrivait. Sur un secteur comme le libraire depuis, qui est un cyberdocumentaliste, en fait. C'est ça, voilà. Oui, c'est fort possible. Mais du coup, on a une redéfinition. En fait, pour moi, je suis pour continuer à appeler cette position libraire. Pourquoi pas? Enfin, c'est pas pourquoi pas, c'est il faut continuer à l'appeler libraire, justement, parce qu'il y a une redéfinition d'une partie du métier, en fait. Mais un cyberlibraire pourrait effectivement travailler sur la recommandation et il n'a pas forcément à gérer la délivrance de fichiers, etc. Parce que là, c'est bien, on parle bien du libre numérique. Oui, là, il y a des plateformes, justement, il travaille avec des plateformes de distribution de livres numériques, mais qui, me semble-t-il, dans l'état actuel des choses, on est dans une situation où on n'a que les plateformes, en fait. Et ces plateformes sont totalement insuffisantes, il faut que tout le monde s'en rende compte, quoi, y compris les gens qui font les plateformes. Ils vont pas. Moi j'ai pas du tout envie d'aller sur Eden. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est Eden? Ça n'existe pas. Enfin, c'est un truc industriel. Enfin, ça ne me parle pas en tant que consommateur. Donc j'ai besoin d'un niveau entre les deux. Vous voyez? C'est extrêmement étonnant dans le système de distribution numérique classique. C'est autant un distributeur dans la chaîne classique de distribution physique d'un livre n'apparaît jamais. Quelqu'un qui met un bouquin chez Gallimard, c'est solide, je crois. Je ne dis pas, je vais en bouquin chez Sodis. Oui, exactement. Et en numérique, on lui dit, si, vous allez l'acheter chez Sodis. Et si vous voulez un bouquin de chez Minuit, vous allez l'acheter chez Harmonia Mundi. Oui, enfin, c'est des problèmes techniques, hein, vraiment, enfin, apparemment de normes différentes. Alors, ils sont en train, oui. Alors, il y en a qu'un qui a résolu ça, c'est cette librairie Dialogue dont je parlais, c'est le seul qui propose tous les livres numériques, quel que soit l'éditeur, quoi. Ah, c'est le seul, c'est le premier qui l'a fait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 3-4 mois. Ah oui, c'est sûr. Bah oui, mais ça, c'est la même chose que le VHS et le BTS. Enfin, imagine, je comprends pas sa politique il y a quelque chose qui m'échappe, quoi. Si ce n'est qu'il est prestataire pour l'instant de l'Ivoire, mais à quel moment il n'est pas prestataire, mais donc... Non, il n'est pas prestataire. Donc, beaucoup trop cher. Est-ce que cette fameuse librairie Dialogue ne pourrait pas être une voie finalement intéressante? Parce que du coup, il y a une articulation qui est importante. Je suis client chez Dialogue, je les connais, etc. Et donc, je vais aller sur leur site parce que je vais y trouver éventuellement des recommandations de gens que je connais aussi, que je rencontre, etc. Et par contre, ce qui est très important, c'est que quand je vais acheter le livre, ce soit en un clic sur leur site, même si c'est pas eux qui vont gérer le truc, mais ils vont ensuite se reporter sur une des plateformes de distribution de grande manière. Et ça doit être transparent. Sûr, donc là, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Cette librairie, c'est intéressant parce que c'est le seul cas pour l'instant qui propose ça. Ouais. C'est une librairie très grosse, qui a beaucoup de moyens, qui a engagé deux informaticiens à temps plein pour s'occuper de ça et des gens de qualité qui connaissent bien le domaine aussi. Il y a peut-être 5 librairies en France qui peuvent faire ça. Alors là, après, c'est un grand problème. Donc, est-ce qu'on peut continuer? C'est ça la question. Est-ce que le secteur de la librairie est dans une situation du fait de son émiettement, de son éparpillement, lui permettant de faire cette reconversion complètement, en fait? Je pense que nous allons prouver que oui. D'accord, on verra. Très bien. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est exactement ce dont je parle. Ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Les gens de Librest, enfin, on les connaît, on connaît toutes ces tentatives, comme ça, qui sont effectivement des tentatives plus ou moins locales, disons. Mais bon, voilà, il faut agréger, mutualiser, et c'est pas simple. C'est un modèle. Et alors, là, votre portail de libraire, il va être lancé quand? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Alors, je ne sais pas si toutes les fonctionnalités seront opérationnelles, mais enfin... Le portail des libraires indépendants, c'est ça? Ah oui, bien sûr, oui, absolument. Ça veut dire quoi? Que chaque librairie aura un domaine en particulier? Mettons, je vais acheter un livre, je ne sais pas quel exemple on peut prendre, je sais pas, mais, le livre des violences de Volman, je trouve, il en stock dans 5 des librairies sur les 9, on aura 9. Non, non, il y en aura, je pense, 70 au départ. Okay. Donc, il est sur 30 des 70. Oui, bien sûr, mais... Je l'achète où, en fait? Ah bah là, il y a plusieurs cas de figure, c'est ce qui a été difficile à mettre en œuvre, hein. C'est pas tout à fait terminé, c'est essayer d'imaginer tous les cas de figure. Il y en a un nombre assez important. Alors, supposons que tu habites à Lyon et que tu te trouves dans une librairie lyonnaise. Elle est un peu loin, alors tu ne veux pas y aller, ça fait trop loin, il faut faire un changement. Enfin, bon, bref, à ce moment-là, tu peux te le faire livrer, comme si tu l'achetais dans un endroit non défini. Bon. Sinon, tu peux aller te rendre là-bas et le chercher. On n'a pas de coursier, ça c'est pas possible, parce que là, c'est un truc national, donc c'est impossible. Mais sinon, tu peux te le faire livrer d'une manière traditionnelle, comme Amazon, qui, n'oublions pas, c'est de la VPC, hein, c'est tout. Hein, c'est des techniques modernes, mais c'est de la vente par correspondance. Donc, bon, ça sera toujours possible, évidemment. Oui, malheureusement, Pierre a un train à prendre, et donc ça ne s'est pas encore dématérialisé, donc il ne faudrait pas qu'il le rate. Mais donc, moi, ce que je vous propose, c'est que la conversation continue là. Je crois qu'un petit apéritif est prêt. On peut continuer la discussion. Et donc, merci beaucoup à Pierre Mounier et à Yves aussi pour cette discussion, et à vous tous. Merci pour l'invitation. Voilà. Et puis, donc, bien entendu, donc je le rappelle, le livre de Pierre Mounier et Marien Lacoste est en vente dans la librairie. Mais si vous préférez le télécharger, c'est pas possible non plus. Sauf s'il est piraté. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Je suis syndic sur Henri de Fresnes.